meant to be on top. But you riding in front, riding. We ain't never used to cussing. Now your mouth is a fool. Riding round with me, watching how I do what I do. It's motive, just round eyes and motive, thick thighs. Motive posting the bail or telling the cops lies. I'm hop up in the scraper, hit the gas and get gone. Taking a break from daily hustle, hit the telly and bone. Get lost in the Wild West, riding by I-5. Fuck it, let's hit LA, follow the stars in the sky. Got a little bit of bread, that goes a very long way. And if it's in the price range, you can have it your way. Can't let you go, girl, forever we don't ride. Travel the whole earth, wherever the sun shine. Keeping it real with me, never doubted your speech. It's Lil Bronx to never touch you, you out of reach. Come ride with me under the sun. D'ici là où personne ne peut m'atteindre, je savoure les miles qui me séparent de ta vie morose. Plus envie de me soucier de toutes les lois que je peux enfreindre. En tentant de vivre rien qu'un peu dans une courte pause. Car le combat qui est la vie nous fatigue clairement. Et le jour de l'épuisement sera celui de ton enterrement. Zoné dans un cabriolet le long de la Californie. Oublie qu'on a cambriolé les rêves que la vie t'a fournis. Et profite de l'instant avant qu'il se termine. T'as une éterne à cause du manque du V dans ta mélanine. Peut-être qu'un jour je roulerai en sens inverse sous le soleil. Avec les marches de Flipside, ce son à fond dans les oreilles. Yeah. Come ride with me under the sun. Top down in my scraper. Come ride with me under the sun. Pour a cup and drink it up, juice blazing. Come on, ride with me under the sun. Worry about it, cause you know you got a shotgun. Come ride with me under the sun. The sun, worry about it, cause you know.